Ne vous faites pas de soucis, Assemblage requis commence après ceci. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Oh, c'est fou l'hiver! Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Gagné et moi partagerons nos coups de cœur avec vous dans ton plat favori. Et c'est à peu près ça. Tout de suite, maintenant, là. Ah! Bon matin et bienvenue à Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières en ce lundi 13 décembre 2010. Et moi, c'est Mathieu Plante. Ah, il n'y a personne pour me répondre. À qui est-ce que je vais dire que ma toilette a bouché ce matin? À qui vais-je dire que j'ai renversé mon verre d'eau près de mon ordinateur? À qui vais-je raconter le fait que les routes sont donc glissantes pour aller prendre l'autobus le lundi matin alors qu'il y a eu une tempête le jour d'avant? Ah, ça va être à vous, les requins. C'est à vous que je vais le dire, parce qu'on est seuls aujourd'hui, vous et moi, c'est vrai. Oui, c'est vrai, François-Olivier Marchand va être de retour demain matin avec nous. Pas de stress à se faire avec ça, mais moi, je vais passer un bon moment, un bon 2 heures avec vous. Il va y avoir Stéphanie Gagné tantôt avec sa collègue Ton Plat Favori. Elle va nous présenter ses coups de cœur de la semaine, et moi, je vais lui offrir mon dessert préféré, en revanche. C'est bien, hein? On n'aura pas d'Audrey Tremblay aujourd'hui. Aucune des Audrey Tremblay sera présente avec nous. Il y en a des dizaines, là. Ben, elle va être là demain avec nous, donc pourquoi pas l'attendre jusqu'à demain. On va commencer avec un bloc musical, pourquoi pas. On va retourner en arrière avec quelques classiques. On va avoir du navet confit tout à l'heure avec la pièce « Tes bottes sont comme des tigres qui mangent tes jambes ». Ça va très bien avec la journée slosheuse d'aujourd'hui. Mais on commence avec Tricot Machine qui nous dit qu'on va faire, vous et moi, vous les requins et moi, Mathieu Plante, un bout ensemble. Si tu penses à peu près comme je pense, on peut faire un bout ensemble. Si je danse à peu près comme tu danses, on peut faire un bout ensemble. L'amitié se transforme en amour de temps en temps. Chante moins bien que tu chantes. Mes confits et tes bottes sont comme des tigres, qui mangent tes jambes. Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Si vous étiez avec nous plus tôt dans l'émission, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de nouvelles de Radio-Canada à cause d'un problème, une difficulté. Difficulté étant le fait que François-Olivier n'était pas là pour venir me chercher ce matin, donc je suis en retard. Mais je me suis dit, on pourrait aller retourner écouter le bulletin de nouvelles de Radio-Canada. Allons-y. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada. Quelque chose sur Wikileaks, les gaz de schiste et il y a de la neige. Vous venez d'entendre le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada sur les ondes de C'est fou. C'est à peu près ça. Il y aura un bulletin de nouvelles à 9h tantôt, soyez là. On est vrai. Si j'ai mal au cœur, c'est que je suis sur un bateau à la dérive. Si j'ai mal au cœur, que je suis sur un bateau à la dérive. J'ai peur que sous moi la coque se déchire, que mes mains m'emportent. J'ai peur que sous moi la coque se déchire, que mes mains m'emportent.

Flat et la pièce Comme la pluie sur leur album Borne maîtresse à Assemblage requis. C'est l'émission matinale en pièces détachées sous les ondes du 89.1 FM. C'est fou. Avant ça, on a entendu Marée en mer d'Orange Orange. Donc, petit bloc pluie. Hein? Pas trop déprimant, j'espère, là, de parler de pluie comme ça. Mais bon, que voulez-vous, hein? La température des fois me donne envie d'entendre des pièces qui parlent de ça. On va retourner avec de la musique un petit peu plus de bonne humeur. Et tout à l'heure, je vous prépare une chronique C'est un fait. On va parler entre autres de publicité télé dans le Super Bowl. Dans la chronique C'est un fait, il y a aussi différentes façons de décomposer un dollar. Mm-hmm. Et de bébés qui peuvent reconnaître la musique qu'ils ont entendue dans le ventre de maman. C'est dans la chronique C'est un fait tout à l'heure, mais pour l'instant, on écoute Golden Collider sur C'est fou. Petit bloc électro cette fois-ci, hein? Ça, puis OK, go, tu sais. Ouais, Sophie and Stevens. Oh, on se calme. Oh. Like a tradition. to years, hoping I might forget. Oh, it don't get much dumber. It don't get much dumber than trying to forget. I'll go where you love her. Dernière, et après ça, c'est la chronique C'est un fait. Voici Soufiane Stevens et I Walked à Assemblage Requis au 89.1 FM. To what she said. I'm not about to expect something more. Superbe long bloc de musique un petit peu à tendance électro, à assemblage requis. On vient d'entendre Sufjan Stevens et la pièce I Walked. C'était précédé de OK Go avec la pièce Needing Getting. On a débuté avec Golden Collider, avec Sound Central. Voilà pour ce bloc, c'était merveilleux. Et maintenant, ça va être un petit peu moins merveilleux parce que c'est moi qui vais parler pendant comme 10 minutes. Donc voici, c'est un fait. C'est un fait que la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables d'assemblage requis. On a plein de choses à s'apprendre ensemble. Savez-vous que les bébés peuvent reconnaître des chansons qu'ils ont entendues dans le ventre de la maman? Apparemment que c'est vrai. C'est juste ça le fait. Ça dit pas plus de détails, mais c'est à peu près ça. C'est bien, j'aime ça. Restons en musique. Tiens, A.R. Rahman, qui est un compositeur bollywoodien. Vous savez, Bollywood, les films hindous? Est-ce que c'est le mot qu'on utilise? En tout cas, bref, vous connaissez peut-être ça par les vidéos sur YouTube, entre autres. Pour ceux qui n'en ont pas vu dans la vraie vie. A.R. Rahman a vendu plus d'albums que Madonna et Britney Spears lorsqu'on les met ensemble. Madonna et Britney Spears ensemble, moins que A.R. Rahman, le compositeur de Bollywood. C'est quelque chose. Saviez-vous qu'il y a 293 façons différentes de faire de la monnaie avec un dollar? 293? C'est vrai. Saviez-vous que la marque de vêtements Nike a été nommée d'après la déesse grecque de la victoire? C'est vrai, c'est la déesse Nike, déesse avec des ailes, voilà, était toujours aux côtés de Zeus. Sa présence symbolisait la victoire et on disait qu'elle avait présidé certaines des batailles les premières batailles de l'histoire, voilà. Même que le logo de Nike, le swoosh, le petit crochet, représente les ailes de la déesse Nike. Eh bien. Dans le film The Polar Express, le personnage principal n'est jamais nommé. Il n'a pas de nom dans le film, même que les critiques du film parlent de Hero Boy. le garçon qui est le héros du film. Il n'y a pas de nom. Que voulez-vous? Même chose pour les trois petits cochons. Les originaux, dans le conte de fées original, il n'y avait aucun nom, ces cochons-là. La première histoire a été publiée vers 1843 par James Orchard Halliwell Phillips. Hein, c'est pas nouveau, les quatre noms pour une seule personne. Hein. Dans cette version-là, les cochons n'ont que des numéros, des chiffres, des nombres. Ensuite, une histoire a été remodelée un petit peu par Andrew Lang. Et il a nommé les trois petits cochons Brownie, Blackie et Whitey. Donc, des noms un petit peu à peine racistes. Dans cette histoire-là, pas vraiment, sûrement pas. Le vilain est un renard, par contre, dans ses versions, au lieu d'être un loup. Une des versions les plus connues des Trois Petits Cochons, c'est évidemment le dessin animé Silly Symphony, qui date de 1933, produit par Walt Disney. À l'adaptation, on nomme les trois petits cochons Practical Pig, Pfeiffer Pig et Fiddler Pig. Dans cette version-là, le grand méchant loup n'est pas cuisiné ou cuit par les petits cochons. À la place, il se brûle les fesses et s'enfuit en criant. Eh bien... contrairement à la plupart des chats, les tigres aiment l'eau. Lors d'une journée où il fait chaud, ces gros chats, finalement, les tigres, adorent aller se promener dans l'eau, patauger un peu. La seule chose, c'est qu'ils aiment pas avoir de l'eau dans les yeux. Ils vont faire n'importe quoi pour éviter d'avoir de l'eau dans les yeux, dont entrer dans l'eau, fesse première. Eh ben. Et d'ailleurs, on dit que parce qu'ils ont les pieds palmés, les tigres sont assez bons nageurs. Ils peuvent faire jusqu'à 20 000 par session de nage. Toujours mes petites réactions. En filmant The Wizard of Oz, le Machine d'Oz, l'actrice Judy Garland a été giflée par son réalisateur parce qu'elle n'a pas réussi une scène. C'est vrai. Pendant la scène où Dorothy elle-même doit gifler le Cowardly Lion, Judy Garland a attrapé le, elle n'arrêtait pas de rire, finalement. Un petit bout de... Je me rappelle même pas du mot. Bref, quand tu ris, là, t'arrêtes plus. Bon. Incapable de faire focusser son actrice, donc le réalisateur Victor Fleming, l'a sorti du plateau, l'a giflé en pleine face, et après son retour, Garland a réussi à compléter la scène en une seule prise. Évidemment, après ça, le gars se sentait super mal. Au moins, on est heureux d'apprendre qu'il se sentait vraiment mal, parce que ça aurait pu être comme un genre de gars qui fesse tout le monde, on sait pas, mais c'est bon. Donc, il s'est excusé. Et quelques années plus tard, Judy Garland a même dit qu'elle l'admirait toujours en tant que réalisateur. Donc, vous pouvez vous faire en apprendre plus sur Victor Fleming dans une vidéo que j'ai postée sur assemblagerequis.com. Les liens de la chronique C'est un fait sont toujours là-dessus, assemblagerequis.com. Une jeune fille de 2 ans a eu 156 sur un test de quotient intellectuel. À l'âge de 2 ans et 4 mois, une Britannique, Elise Tan Roberts, a été acceptée en tant que la plus jeune membre à vie de la fraternité de haut quotient intellectuel qu'on connaît sous le nom de Mensa, M-E-N-S-A. Ce club qui normalement ne teste que les enfants qui ont plus de 10 ans, mais ils ont fait une exception parce que Elise, ils savaient que Elise avait déjà un score de quotient intellectuel qui était en haut des 2%, genre dans les 2% de meilleurs là, du pays. Voilà. Donc, Elise Tan Roberts a un quotient intellectuel de 156 qui est environ 4 points de moins. Donc, il n'est que 4 points pour environ. Je pense que c'est une science exacte, les chiffres. Hein? Donc, 4 points de moins que celui de Albert Einstein. Elle connaît déjà 35 capitales du monde, dont Paris, Tokyo et Washington, D.C. C'est bien qu'elle nous précise quelle capitale elle connaît. J'aime ça. Elle peut même compter en espagnol. Eh ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi aussi, je peux faire ça. C'est pas pire. Les Baltimore Ravens ont été nommés d'après l'histoire de Edgar Allan Poe, The Raven. The Raven. Le nom a été choisi en 1996 à partir d'un sondage conduit pour le Baltimore Sun. Donc, Poe a écrit son poème le plus célèbre, The Raven, pendant qu'il vivait à Baltimore dans les années 1830. Même que les mascottes de l'équipe, il y a trois mascottes, elles s'appellent comment? Edgar, Allen et Poe. Hein? Bon. Peut-être le personnage des Teletubbies, là, ça on sait pas, mais les deux autres, au moins, on le sait. C'était après que les Cleveland Browns aient déménagé à Baltimore. Ils ont décidé de changer le nom. Et la nouvelle équipe de Cleveland a maintenant le nom des Browns. Pour les deux saisons avant ça, Baltimore était la place où vivait l'équipe de la Canadian Football League qui s'appelait The Colts. Avant de se faire poursuivre par la NFL, qui avait déjà une équipe qui s'appelait The Colts, hein? Donc ils ont dû changer leur nom, l'équipe de la Ligue de football canadienne, canadienne de football, peu importe. Ils ont changé leur nom pour les Stallions. Et quand Baltimore a enfin eu une autre équipe, une autre franchise de la NFL, les Stallions ont déménagé à Montréal et ils sont devenus les Alouettes. Moi, c'est vrai, je savais pas ça. J'avais aucune idée. La machine à remonter dans le temps dans Back to the Future devait être un réfrigérateur au départ. C'est vrai, le réalisateur, Robert Zemeckis, a dit que l'idée a été rejetée parce qu'il ne voulait pas que les enfants commencent à grimper dans les réfrigérateurs. C'est vrai. Ça me rappelle un autre fait, petite parenthèse à l'intérieur d'un fait. Un autre fait dans un fait, c'est comme une saucisse dans de la pâte. C'était dans le film, je crois que c'est Lilo and Stitch, où il y avait un genre de four où la bestiole, je sais pas si c'est Lilo ou Stitch, là, entrait dans le four. Et puis pour la réédition, plus tard, ils ont comme censuré ça. Puis ils ont fait une table. Dans l'image, là, c'est le même dessin animé, mais dans l'image, ils ont dessiné par-dessus le frigidaire ou en l'enlevant, je sais pas comment ça marche. Là. Ils ont dessiné une table et la porte du four, parce qu'il fallait que la petite fille ou le monstre, je sais plus, devait pouvoir s'enfermer dans le four. Ils ont mis une boîte de pizza. Donc c'est une table avec une boîte de pizza, puis la boîte est comme refermée par en haut pour faire la porte. C'est de la censure, t'sais. Pas que les enfants aient dans leur poêle. C'est un genre, ça. Revenons donc à notre pâte, si on veut, de notre saucisse. Dans Le Retour vers le futur, là, Robert Zemeckis disait que l'idée, au départ, c'était un réfrigérateur, mais par contre, il voulait pas que les enfants commencent à grimper dedans. Donc, le script original demandait à Marty McFly de se faire zapper par un fusil au laser qu'il a renvoyé dans le temps dans un réfrigérateur dans les années 1950. Ensuite, pour retourner à la maison, le réfrigérateur était envoyé au Nevada dans un site de test nucléaire pour que Marty puisse se faire renvoyer dans les années 80. Hein? Bon, même après avoir rejeté l'histoire du réfrigérateur, qui était quand même pourtant plutôt crédible, hein, ils ont prévu que Marty devait aller à un site de test nucléaire quand même pour retourner vers le futur, les années 80. Ils ont changé d'idée, ils ont pris un éclair finalement, comme dans le vrai film finalement, pour des raisons budgétaires, c'était plus facile à faire dans les effets spéciaux, on imagine. Un autre drôle de fait sur Bark to the Future, jappement vers le futur, comment on dit? Crispin Glover, qui joue George McFly, a refusé d'être dans les suites de Back to the Future, donc ils ont dû utiliser une combinaison de vidéos du premier film, donc vraiment des extraits du premier film, et un autre acteur qui a été déguisé pour ressembler à Crispin Glover, George McFly. Et Glover a ensuite poursuivi les producteurs de Retour vers le futur. Hein? Ben ouais, ben pourquoi pas? C'est pas partie d'une des plus grandes séries de films de l'histoire, mais ils pouvaient pas le savoir, je le sais, mais quand même. Ah, et on termine avec un dernier fait pour cette chronique. C'est un fait. Savez-vous qu'une publicité télé de 30 secondes pour le Super Bowl de 2011 coûte environ 3 millions de dollars? C'est vrai. En septembre 2010, donc il y a quelques mois à peine, Fox avait déjà vendu 90% des spots publicitaires, ce qui est beaucoup mieux que les 70% qui avaient été récoltés à cette même date en septembre 2010, l'année passée, voilà, en 2009. Pepsi prévoit d'ailleurs passer 6 publicités de 30 secondes pendant le prochain Super Bowl 2011. Ça pourrait leur coûter jusqu'à 18 millions. Et voilà. D'argent bien dépensé, je trouve. Beaucoup de public. Pas qu'elles ont besoin tant que ça, mais à un moment donné, peut-être que Pepsi, c'est pas aussi populaire que Coke. Hein. Il faut qu'ils remettent, là. Il faut qu'ils deviennent number one. Est-ce qu'ils ont déjà été numéro 1 aux États-Unis? Je sais pas. Ça dépend des régions. Tout le monde a des goûts différents. Et voilà. Ah, c'est tout pour cet un fait aujourd'hui. Tout seul, on dirait que c'est comme pas aussi divertissant. Pour moi. Quand même. J'espère que vous, les requins, vous réagissez un petit peu. Il y aura d'autres faits à l'émission de demain, probablement. Probablement, malgré que le contenu est rempli demain. Mais bon. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission matinale en pièces attachées, l'émission qui, c'est pas toujours au jour le jour, à la minute par minute, là, qu'est-ce qui s'en vient. Ce que je sais qui s'en vient là, dans les prochaines secondes du moins, là, c'est un classique de Moussette. Voici Carré Grandis au 89.1. Dans mon jardin. on moussette car elles grandissent à Assemblage Requis. C'est la fin de la première heure. Et aujourd'hui, comme vous aurez remarqué, c'est la journée des 100. Hein? 100 François-Olivier Marchand, 100 nouvelles de Radio-Canada. Et là, sans Audrey Tremblay tantôt qui sera pas là. Et 100 Info Campus non plus. Donc, on revient juste après la pause publicitaire avec une deuxième heure. On va avoir quelque chose dans l'émission d'aujourd'hui, au moins. Stéphanie Gagné vers les 8h30 avec ton plat favori. Alors, restez avec nous. C'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Bon, retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis pour ce lundi 13 décembre 2010. Moi, c'est Mathieu Plante et François-Olivier Marchand est absent aujourd'hui. Il va être de retour demain, mais don't worry, be happy. Hein, je vais voir Stéphanie Gagné dans les 25 prochaines minutes environ pour parler de coup de cœur dans ton plat favori. Pour l'instant, on retourne en musique. On va entendre la formation locale Atomic Baobab tantôt avec Cut It Up, mais pour l'instant, voici Hooded Fang. On adore ça. C'est de la fine. Sur C'est fou, dans vos oreilles. La fin, ça veut dire rire. Là. Okay. Mais y a personne qui me dit de me la fermer non plus, hein? Non. When I feel like dancing on, dance with you. Two flat quarters leave me close to you. And as the days stumble by, I look to you. And you're always there to say, crumble. And in the times when it all seems so stale, I'll be with you when the going gets going. Laugh at you. Two bare feet. la pièce Cut It Up de Atomic Baobab dans l'assemblage requis sur C'est Fou 89.1 FM. Parlons un petit peu de ce qui se passe à l'UQTR. Hein? Normalement, c'est François-Olivier qui fait ça, mais je vais le faire quand j'ai essayé, du moins. Il y a multiples visages de l'Afrique qui a lieu jusqu'au 13 janvier. C'est pour découvrir l'Afrique sous ses multiples facettes, culture, littérature, histoire, politique, éducation, etc. La bibliothèque vous invite à venir consulter l'exposition Multiples visages de l'Afrique. C'est jusqu'au 13 janvier 2011 au salon du deuxième étage, service de la bibliothèque. Il y a une conférence qui aura lieu demain, le 14, c'est mardi, conférence midi du CEIDEF, le CLEF. L'enfantement dans un Québec moderne, mutation culturelle autour de la naissance depuis le milieu du 20e siècle. C'est au local 3023, pavillon Michel Sarrazin. C'est gratuit. Toujours demain, sommes-nous seuls dans l'univers? Ça, c'est intéressant, pas mal, je trouve. C'est à 19h30 à la salle 1806 du pavillon de la santé de l'UQTR, toujours gratuit. Le club d'astronomie Jupiter de Trois-Rivières est fier d'accueillir M. Lamontagne, directeur exécutif de l'Observatoire du Mont Mégantic. Il viendra nous entretenir de l'équation de Drake. L'équation de Drake est une équation mathématique qui tente de prédire le nombre de civilisations qui pourraient exister dans notre galaxie, la Voie lactée, et ainsi de combler notre besoin de savoir si nous sommes seuls ici sur Terre à habiter ces vastes espaces. Les mathématiques répondront-elles à cette grande question? C'est ce que vous saurez lors de cette conférence qui s'adresse à tous les publics et qui promet de captiver notre imagination. Voilà. C'est Sommes-nous seuls dans l'univers. C'est demain, 14 décembre, mardi, à la salle 1806 du pavillon de la santé du QTA. C'est à 19h30 et c'est gratuit. Toutes les dates et les informations sont sur entête.uqtr.ca dans la section calendrier. Voilà pour ça. Tout à l'heure, on accueille Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Mais pour l'instant, on retourne en musique. Voici Jérôme Dupuis-Cloutier. Je l'appelle Jerry Dick parce qu'on est intime. C'est Johnny Malaise sur C'est Fou 89.1 FM. Je l'appelle pas de même. C'est tout. L'embarras du choix, c'est fini. C'est lui qui t'a choisi. Sur ton front, il vient t'écrire qu'il est faux ton sourire. C'est là qu'il se promène. Johnny Malaise, sur ton chemin cassant le tien. Une main moite, tu lui tends. Il lui crache dedans. Par la pire insulte, il te frappe pour que ton petit cœur dérape. Jamais bien où tu mets les pieds, c'est là qu'il se promène. Johnny Malaise, sur ton chemin cassant le ciel. C'est là qu'il se promène. Johnny Malaise, sur ton chemin cassant le tien. Oui, il est seul. Il n'a pas d'amis. Mais il est attention au cœur fragile. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque Nationale. guide et je marche bien droit. We'll be right back. maintenant dans nos vies. Canicule et ours polaire. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou. C'est fou le froid. Alors, on est à quelques secondes à peine de la chronique de Stéphanie Gagné, Take Me Out, mais pour l'instant on écoute Matt and Kim avec une pièce de leur album Sidewalks. Voici Silver Tiles. Ça t'a entendu? Silver Tiles, c'est pas pire ça? Elle est bonne ça? Là? 3 minutes et demie, après ça, c'est ta chronique. Là. Ça s'en vient. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. C'est toujours Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées avec Mathieu Plante. François-Olivier Marchand est absent aujourd'hui, il sera de retour demain. Veuillez laisser un message et nous nous ferons plaisir de lui transmettre aussitôt que possible. Hein? Bon. Maintenant, accueillons Stéphanie Gagné, ça va nous faire un genre de flashback à quand on animait seul, toi et moi. Allô? C'est Take Me Out! Take Me Out! Bonjour Stéphanie. Bonjour Mathieu. Ça va? Oui, j'avais même pas pensé au flashback de cet été. De tous les étés au complet, les 16 ou 15-16 semaines qu'on a co-animé toi et moi seul. Oui. Quel beau moment. Ah oui, c'est très plaisant. Pas moi, de François-Olivier dans les jambes du tout. Hein? Non, mais il y en avait une avec François-Olivier qui était comme une des plus drôles de tout l'été. Là. Une des plus pénibles à écouter, sûrement celle sur le déménagement le 1er juillet. Oui, ben pénible à écouter, j'en suis certaine. Oui, mais... sûrement. Ah, allez voir c'est sur assemblagerequis.com, il y a toutes les archives MP3 de toutes les émissions qu'on a fait depuis le début, en fait, mais dont celle du 1er juillet 2010. C'est un coup de cœur pour moi. Tellement drôle. Donc, Stéphanie qui est là pour nous parler de spectacles à venir un petit peu partout au Québec. Oui. Finalement, il y a pas mal plus de spectacles que je pensais avec les fêtes qui s'en viennent. Le 16, il va y avoir donc jeudi soir Radio-Radio qui va être au Cabaret La Tulipe. Il va y avoir Beast au Métropolis, Yann Perrault au Théâtre Hector Charland. Et il va y avoir Polype, Atomic Baobab et Barton Fink qui vont être au Cercle. Et ça, c'est un peu spécial comme spectacle. Ça va être comme un buffet spectacle, genre de la bouffe puis de la bonne musique en même temps. Ah, OK, j'aime ça. Très cool comme idée. Ça m'attire, c'est deux choses qui m'attirent beaucoup. Là. T'es au la courant. Bouffe. Et la musique. Ensuite de ça, vendredi soir, il y a Jérôme Minière qui va être au Cabaret La Tulipe. Il y a Rural Alberta Advantage qu'on aime tellement nommer leur nom. Surtout leur nom, oui. Rural Alberta Advantage, qui vont être au Île Motor. Il va y avoir Beast au Grand Théâtre de Québec. Et Pépé qui va être au D'Artagnan pour un spécial de Noël. Ouais. Spécial des fêtes. D'habitude, c'est la première semaine du mois qu'il y a un spectacle. Et là, c'est un petit spécial de Noël. Ensuite, samedi soir, il va y avoir Broken Social Scene au Métropolis. Et le lendemain, donc dimanche, ils vont être du côté de l'Impérial à Québec. Et même soirée, le 19, il va y avoir La Patère Rose du côté du Quai des Brumes. Et on va justement aller écouter Polype avec le spectacle Buffet Menoum. Menoum, Menoum. Menoum. Menoum. La pièce Quoi dire? Menoum, Menoum. Menoum, Menoum, Menoum, Menoum. Quoi dire parce qu'elle peut manquer. groupe avec quoi dire qui vont être en spectacle avec Atomic Baobab et Barton Fink au Cercle le 16, donc jeudi prochain. Soyez-y. Quel genre de buffet? C'est-tu des petits sandwichs pas de croûte ou... Je sais pas. Saucisse cocktail, mettons? Ah, ça serait pas pire. Mais non, c'est pas spécifié. Ouais, c'est ça. Faudrait que je spécifie, ça m'attirerait encore plus, ça. Comme un poisson, moi, ça me donne un verre de terre. Pis, moi, c'est les petits hors d'œuvre, là. Tu sais, comme les petits hors d'œuvre au fromage. Aux œufs, mettons. Aux asperges, tout le kit. Carin, Caroline, tu me donnes faim. ça me rappelle vraiment cet été quand tu me donnais faim, ça. Ouais, on était comme dans un temps où on a faim. Ouais, un peu comme les palmarès cette année. On a faim. Au moins, les palmarès finissent à 17h. Cet été, Assemblage requis finissait à 18h. 18h, oui. C'était tard, ça. Bref, voilà. Stéphanie? Oui, je suis encore là. On passe à ta prochaine chronique. Allons-y. C'est ton plat favori. Je suis ton plat favori. Stéphanie Gagné qui est avec nous pour ses coups de cœur artistiques, culturels et autres dans ton plat favori. Qu'est-ce que tu nous prépares, tu nous cuisines aujourd'hui? Aujourd'hui, vu que c'est la dernière semaine de 2010, j'ai décidé de faire une petite rétrospective des artistes que j'ai préférés cette année. Mais c'est tellement dur, là. Tu sais, pour mon émission, une belle émission, je fais deux émissions que je fais jouer une quinzaine de pièces chaque. J'en ai fait jouer 16 jeudi dernier, reste ce jeudi. Et là, il faut que je mette ça en dedans de 10 minutes. Alors, je suis un peu en train de virer folle. C'est vraiment horrible. Mais bon, je vais commencer par les artistes québécois que j'ai préférés cette année. Il y a Alex Nevsky avec son album De Lune à l'Aube que j'ai adoré. Vraiment excellent. Au début, je préférais un peu les chansons un peu plus noires, un peu plus sombres. Mais finalement, j'aime aussi les pièces comme Notre cœur et I'm Sticking On You qui bougent un peu plus. Ouais, plus pop. J'ai vraiment aimé cet album-là. Ensuite, tu sais, Mister Valère et Radio Radio, deux artistes que j'ai vraiment un peu détruits quand que l'album est sorti. Parce que, bon, je suis encore d'accord avec l'idée que l'album de Mister Valère, Golden Bombay, est pas mal moins bon que leur précédent, Friday Night. Mais finalement, je l'aime quand même. Il est juste moins bon. C'est comme tes enfants, tu sais. Il y en a un que tu trouves moins bon, mais il est fin pareil. Non, mais il est super bon, l'album. J'ai fini par l'aimer. Au début, il y avait une ou deux pièces que j'aimais, puis le reste, je trouvais ça dégueulasse. Mais finalement, je l'aime bien. Juste, il est moins entraînant que Friday Night. Et pour Radio Radio, Belmundo Regal, je ne sais même pas à quoi j'ai pensé d'avoir insulté cet album-là. You're crazy! Cet album de bijoux-là, mais ça, c'est vraiment comme... Je sais pas, c'est vraiment comme un petit plaisir coupable, mais pas trop coupable. C'est comme un album vraiment pour se faire du fun. Ouais. Entertain. Se divertir soi-même. Ouais, c'est ça. Mais vraiment un album que j'ai aimé. Ensuite, ça, des découvertes que j'ai faites cette année que j'ai bien aimé. Récemment, Diamond Rings avec l'album Special Affections. J'ai regardé l'album, j'ai fait comme « Ah, il est bizarre ». Je ne ferai pas ça tout de suite. Et finalement, j'ai adoré. J'aime vraiment ça avec sa voix un peu... très basse, un peu à la Joy Division, ouais. Et la musique très pop, synthétiseur, tout le kit. J'aime le fait qu'il s'assume, le gars, mais je me demande si ça repousse pas certaines personnes, la pochette, parce que c'est pas le style de musique que tu t'attendrais à entendre en regardant la pochette. Non, vraiment pas. Mais il a changé du tout au tout. Avant, il était dans un groupe de musique très post-punk, un peu très différent. Mais c'est ça. C'est une très belle découverte de cette année. Aussi, côté anglophone, moi j'aime beaucoup les groupes anglais et Mumford & Sons que j'ai découvert cette année, que j'ai vraiment adoré, surtout la pièce Little Lion Man que j'ai vraiment bien aimé. Et aussi, bon, c'est pas, sont pas de l'Angleterre, sont de l'Irlande, mais Two Door Cinema Club avec l'album Tourist History que j'ai vraiment adoré. Toutes les pièces sont bonnes sur cet album-là. Ensuite de ça, oh, faut tellement que j'en nomme, meilleur spectacle de l'année, Mister Valère, ça c'est certain. Je pense que mon meilleur spectacle pour les trois dernières années, ça a été Mister Valère à chaque année. J'ai adoré tous leurs spectacles que j'ai été voir. Même que je vais peut-être y retourner la semaine prochaine, il y a un spectacle le 22. Je vais peut-être y aller. J'y retourne en février au Metropolis. J'adore ce groupe-là. Ensuite de ça, First Aid Kit avec The Big Black and the Blue que j'ai vraiment adoré avec leur pièce Hard Believer que tu m'avais fait découvrir cet été. J'ai vraiment adoré. Our Book and the Authors qu'on avait eu en entrevue. Très, très bon groupe. Aussi, groupe québécois que j'ai pas nommé, Carquois avec les Chemins de Verre. Quand même, ils ont gagné le Polaris. Ça vaut la peine de les nommer. Plusieurs autres groupes dont je vais moins parler, je vais juste les nommer vite comme ça. Random Recipe, Colorado, Tokyo Police Club, Jimmy Hunt, Chantal Archambault, Broken Social Scene, Arcade Fire, avec leur album qui a gagné tellement de trucs cette année, c'est épouvantable. The New Pornographers, l'album d'Ariel qui est super bon, oui. Après le crime, Atomic Baobab qui a sorti un EP, Sleigh Bells avec la pièce Crown on the Ground. Et là, il m'en reste quelques-uns à nommer. 83. Hein? Il t'en reste 83. Non, il m'en reste que deux. Et c'est mes deux albums préférés de l'année, que je peux dire, parce que, bon, ça m'a pris du temps pour choisir ces deux-là, mais je suis pas capable d'en choisir un. C'est Hot Hot Heat avec l'album Future Breeds, qui est vraiment très spécial, très éclectique comme album. Ça saute d'une pièce à l'autre et c'est vraiment, ça se ressemble pas du tout d'une pièce à l'autre. C'est vraiment très cool. J'ai adoré l'album. Et OK Go avec Of the Blue Color of the Sky, aussi un très bon spectacle qu'on a pu voir. C'était assez fou. Et c'est un excellent album. Et ils ont été vraiment très généreux cette année aussi avec édition de luxe, les vidéoclips. Et ma pièce préférée, c'est la pièce qui est le plus... la pièce de stade que tout le monde chante en chœur. C'est This Too Shall Pass. This Too Shall Pass de OK Go, de leur album Of the Blue Color of the Sky. Et je dois dire que ça, c'est un groupe que j'ai redécouvert parce que je connaissais les vieilles pièces Here It Goes Again, Million Ways, etc. Mais j'avais jamais autant accroché. Et cette année, là, je suis allée m'acheter les vieux albums. J'ai écouté ça en boucle, les trois, un après l'autre. C'était écœurant. Ah, mais hein! Même chose pour Hot Hot Heat que je connaissais déjà, ouais. Mais cet album-là, là... Aïe, il est merveilleux. J'approuve. Je seconde et je sous-signe. Il était cœur. Mais ça. Merci Stéphanie. De rien. Pour ton coup de cœur. Moi, je te renvoie à pleine face mon dessert. Oui, vas-y. Préparer des petits gâteaux. Il y a des petites crèmes, la petite crème verte de Noël sur les petits gâteaux que je t'ai fait. Non, mais semblait que c'est un vidéoclip, premièrement. Donc, à la radio, ça passe un petit peu moins bien. Mais je sais pas si tu connais Jonathan Coulton. Non, ça me dit rien. Qui est un auteur, compositeur, interprète américain qui est célèbre pour ses chansons très, très geek. Ah! très geek. C'est quoi des chansons geek? Ben, c'est des chansons qui parlent de technologie, de choses que les geeks aiment. Okay. Voilà. Dont une pièce que je fais jouer régulièrement ici à Assemblage Rocky qui s'appelle Code Monkey. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Non, d'accord. Je te referai jouer à un bon moment donné. Mais là, ce qu'on va écouter, c'est la pièce Shop Vac. Et la raison que j'en parle, c'est un vidéoclip que une jeune personne a fait. Là, je pourrais pas te dire son nom exactement. C'est qui, peu importe. Ça a été créé, par contre, juste comme un fan. C'est pas un vidéoclip pour l'artiste. Donc, c'est le gars ou la fille qui a créé ce vidéoclip-là avec Illustrator, Photoshop, After Effects, tous les petits logiciels là, c'est de la suite Adobe qu'on connaît tous, qu'on adore, hein, qui est quand ils plantent pas. Il dit que c'est très, très difficile d'estimer le temps que ça a pris pour le faire. Il dit entre 500 et 1000 heures. Donc, c'est un travail qui a été créé par amour pour cette chanson et pour l'artiste Jonathan Coulton. Et vous allez voir, c'est vraiment bien. Ça me fait penser un petit peu à la célèbre pièce Fuck You de CeeLo Green. Oh, ouais. Bon, où les mots apparaissent au fur et à mesure, mais c'est pas comme si c'était un nouveau concept non plus. C'est juste que ça avait été très bien fait. Dans ce cas-ci, les dessins autour, la façon que les mots tombent et sont fluides comme dans de la graisse de Bin, ça coule. C'est super, super bien fait. Donc, je vous recommande d'aller voir ça sur assemblagerequis.com dans la section Ton plat favori. Et puis, on va écouter par le fait même la pièce Shop Vac de Jonathan Coulton dans ton préféré. 5 minutes. We took the freeway out of town. We found a place to settle down. We bought a driveway and a swing set and a dog. You got your very own bathroom. I got my very own workshop in the basement. We sit around staring at the wall. Take field trips to our favorite mall. Waiting for the day when all the kids grow up and leave us here. If you need me, I'll be downstairs with the shop vac. You can call, but I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. You'll be okay, cause you'll be upstairs with the TV. You can cry and I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. We hung a flag above the door. Checked out the gourmet grocery store. I bought a mower I can ride around the yard. But we haven't got real friends. And now even the fake ones have stopped calling. Maybe if you forget to hide the keys, I'll take a ride to Applebee's. I'll come home drunk on daiquiris and throw up on the neighbor's lawn. If you need me, I'll be downstairs with the shop vac. You can call, but I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. You'll be okay, you'll be upstairs with the TV. You can cry and I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. I like the Starbucks here, that's better than the other one. Cause the other one's not as good. They really need to put a light there cause it's hard to turn. It's hard to make a left turn. Inside my head, floating up above the house and looking down. I guess I gotta go back there. Guess there never was any other answer. And as the freeway hums, the cars go by, the headlights roll across the sky. Many miles away, and I can see them speeding through the dark. But if you need me, I'll be downstairs with the shop vac. You can call, but I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. You'll be okay, you'll be upstairs with the TV. You can cry and I probably won't hear you because it's loud with the shop vac on. Jonathan Colton, la pièce Shop Vac, et c'est dans la chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagné. Caroline, hein? Le vidéoclip? Cool! Tout ce qui est dit dans la chanson est refait dans l'écriture et dans les images placées derrière. C'est génial. Oui, j'ai vraiment bien aimé. Ça, c'est le fun que soit. Que cette personne-là soit engagée pour faire tous les vidéoclips de Jonathan Colton, finalement. c'est un fan qui a fait cette vidéo. Fait la voir sur assemblagerequis.com. C'est dans les liens de ton plat favori. Nous, c'est presque la fin de l'émission, mais on a le temps de se faufiler une dernière pièce. On va écouter une pièce de l'album de Surfer Inyo. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait jouer en tant que tel dans l'émission. Vous les reconnaîtrez peut-être. Vous reconnaîtrez la pièce parce que c'est le même groupe qui fait la chanson thème du bloc Le Poste d'écoute. Hein? Donc, c'est de la musique de surf. On écoute Panic à Tokyo, 89.fm. Surfer Inyo, la pièce Panic à Tokyo, 89FM. C'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. On se quitte pour une autre belle journée. Merci Stéphanie Gagné. De rien, c'est la dernière fois que je venais. C'est vrai, pour la c'est session. L'année prochaine. Tu reviens l'année prochaine, je l'espère bien. Et oui. Et on va se retrouver de toute façon au Palmarès C'est fou les jeudis à 14h. Et là, cette semaine, c'était fou en 2010. Oui, j'ai vraiment hâte. Ça va être écœurant. On va retrouver Audrey Tremblay, qui normalement serait aussi ici le lundi. Elle va être là demain avec nous pour faire le tour du plus récent numéro du journal Zone Campus. Demain aussi à l'émission, Émilie Gauthier et sa collègue plein air veut sortir avec moi. On a Maxime Lemuller-Amé avec son bloc Télécharge quoi. Et on aura le retour de François-Olivier Marchand. Hein? On l'espère. Faut bien qu'il revienne à un moment donné. Bien qu'il mérite sa place dans le générique de l'émission. Ouais. Celui que les gens ne voient pas, mais je l'ai monté. C'est à la radio, les gens ne voient pas le générique, mais moi, je l'ai quand même monté sur l'ordinateur. C'est comme super beau, tous les mots qui apparaissent partout, puis là, personne ne le voit. Qu'est-ce que c'est? Même... Quel gâchis. Quel gâchis. On se retrouve demain matin dès 7h et passez une excellente journée. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent dans un instant. Bye, Steph. Bye, Mathieu. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.